Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On connaît la chanson. C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit, nous au village aussi, l'on a de beaux assassinats. Formule que l'on pourrait inverser et transformer ainsi, ce n'est pas seulement de la France profonde que surgissent croyances populaires, superstitions et rites magiques, nous à Paris aussi l'on a de beaux mystères. Ainsi, le vieux d'après-minuit, ou Minet la chatte, ou l'horloge du temps à rebours, ou encore le petit homme rouge des Tuileries, etc. Et peut-être aussi l'histoire d'un ours avec une jambe de bois qui vient ouvrir lui-même la porte aux visiteurs. Mais vit-il à Paris? En tout cas, à Paris, rue de la Bûcherie, rue des Grands Degrés, rue de Bièvre, quai Montebello, rue des Bernardins, rue Maître Albert, bien sûr, il était instructif de s'y promener naguère. Madame Ziegler et Jacques Yonnet sont deux invités très sérieux, l'une est chartiste, l'autre journaliste, écrivain, ancien résistant. Première diffusion sur France Culture, le 1er octobre 1967. Paris, le Paris des légendes, le Paris de l'ancien temps, revient à l'actualité avec la publication de deux volumes. La publication tout d'abord de l'histoire de Paris de Gillette Ziegler aux éditions du Stock et la réédition d'un vieil ouvrage depuis longtemps introuvable, Enchantement sur Paris de Jacques Yonnet aux éditions de Noël. Alors nous avons en face de nous Gillette Ziegler et Jacques Yonnet. Gillette Ziegler, tout d'abord, depuis quand vous intéressez-vous à Paris? Et puis, qu'est-ce qui fait que vous intéressez à Paris? Eh bien, depuis très longtemps, depuis que j'habite Paris, bien que méridionale, je me suis toujours intéressée à ces vieilles rues et à ces légendes. D'autre part, j'adore les histoires de fantômes. Et j'avais retrouvé, quand j'étais à l'école des Chartes, quelques vieux grimoires assez passionnants, notamment sur Flamel. Donc, j'ai pensé à ça longtemps. Et puis, je me suis dit que ce serait amusant de raconter une histoire secrète de Paris avec ses mystères, ses sorciers et ses fantômes. Alors avant de parler de cette histoire secrète, Jacques Yonnet, je voudrais bien que vous vous présentiez vous aussi, vous qui êtes un des plus vieux parisiens de Paris, un des... Mon Dieu, je suis né ici, moi, tout simplement. Vous vous intéressez depuis très longtemps, je crois, aux arcanes parisiennes. Oui, oui. En ce qui me concerne, je suis né en plein mystère parce que c'était en 1915, alors que les hommes n'étaient pas à l'horizon, et j'étais l'étranger dans mon propre quartier, étant donné que c'était dans le ghetto et qu'autour de moi, de ma famille qui était francophone nécessairement, puisque je suis tout à fait français, tout à fait parisien, les gens parlaient des langues assez extraordinaires, des yiddish, des langues plus ou moins teintées d'hébreu, de plat allemand, de russe, de polonais, de tout ce qu'on voudra, de lituanien. Et alors j'étais l'étranger dans ma propre école, parce que nous étions trois ou quatre petits garçons français en 1919, beaucoup de jeunes garçons venus d'ailleurs et qui étaient très difficilement acclimatés. Et alors, une atmosphère d'Orient et de mystère planait déjà. Ceci avec le souvenir des dirigeables à qui on portait une vie propre, n'est-ce pas? Alors, j'ai vécu dans ce domaine que Madame Ziegler a admirablement restitué, mais elle, en s'intéressant à des choses exclusivement anciennes. Oui, alors justement, Jacques Yonnet, vous, en publiant Les Enchantements sur Paris, vous êtes plutôt attaché à décrire, à raconter vos souvenirs, ce qui vous est arrivé ou ce qui est arrivé d'extraordinaire à vos proches, tandis que Gillette Ziegler, elle, a plutôt raconté l'histoire ancienne de Paris. Et alors là, il serait peut-être bon, Gillette Ziegler, que vous rappeliez les origines de Paris, une origine assez magique, puisque, d'après vous, Paris a été un peu fondé en hommage à la déesse Isis, la déesse égyptienne. Eh bien, tout au moins, on le dit et on le croit, et en effet, il y a des signes qui peuvent faire croire que Isis a été adorée sur les bords de la Seine, en même temps, ou peut-être qu'en Égypte, et probablement aussi que sur les bords du Rhin. On pense que Isis a réellement enfin, accordé sa protection à Paris et que c'était elle qu'on adorait à Saint-Germain-des-Prés bien longtemps, alors même au XVIe siècle, et qu'on confondait vaguement avec une sainte, avec la Vierge, avec une reine d'Égypte, et qui faisait retrouver les objets perdus. Alors ce qui est extraordinaire, je crois, Jacques Yonnet, c'est que Isis, vous l'avez un peu retrouvée à travers vos souvenirs, à travers les gens que vous avez rencontrés. À travers plutôt, si vous voulez bien, mes constatations. Parce que, voyez-vous, je considère Paris comme le creuset de l'Europe, étant donné que Paris est le lieu d'aboutissement des routes logiques qui viennent de l'Europe, même du lointain Est, n'est-ce pas, et même du Midi. Et alors, il existe, chaque fois que l'on gratte un tout petit peu le sol de Paris, on découvre les vestiges de civilisations inconnues qui sont autant d'énigmes, autant de mystères. Et alors, ceci correspond à des témoignages de civilisations lointaines, issues de très lointains azimuts, qui se sont, dans Paris, à cause de la logique des courants migrateurs, interpénétrés, tolérés de la façon la plus fructueuse qui soit. Il y a également eu un certain nombre de transmissions de légendes, un certain nombre de transmissions de traditions alchimiques. Alors, je voudrais vous demander de nous raconter une histoire que vous racontez dans votre livre, celle probablement du plus célèbre alchimiste français, Nicolas Flamel. Flamel, on lui attribue évidemment la découverte de la transmutation des métaux, l'argent et l'or. Et vous savez, puisque vous avez lu le livre, et d'ailleurs, il est généralement admis qu'il avait trouvé le secret de cette transmutation dans un vieil ouvrage de la Kabbale. Il semble que ce livre lui ait été apporté, après qu'il en eut rêvé d'ailleurs, qu'il ait eu l'annonce qu'on lui apporterait ce livre dans un rêve, et qu'il ait trouvé là-dedans le secret de faire argent et or. Mais il est certain qu'il existe un manuscrit de Nicolas Flamel, il existe des figures qu'il a reproduites, et que tout y est admirablement expliqué, sauf cependant l'agent principal pour faire cette fabrication, et les alchimistes ne le disent d'ailleurs jamais, c'est l'agent secret, sans ça, ça serait trop facile. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que des alchimistes, bon, ben, il n'en existait pas seulement au XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, mais qu'il en existe encore actuellement, n'est-ce pas Jacques Yonnet? Bien sûr. Seulement, si nous parlons des alchimistes anciens, il ne faut pas oublier que ces gens-là avaient la prémonition de ce qui existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire la transmutation. C'est un fait résolu maintenant par les gens qui sont des tenants de la science exacte et pure et officielle. Finalement, c'est ce qu'a découvert Einstein avec l'atome et avant lui, Pierre Curie. Et avec la relativité et avec cette notion assez extraordinaire que tout atome est une galaxie. Et nous ne savons pas nous-mêmes si nous ne sommes pas les éléments d'un atome gigantesque. Mais vous, est-ce que vous connaissez, en 1967, est-ce que vous connaissez des alchimistes? Bien sûr, je connais des gens très sérieux, qui ont de très sérieux et de très officiels diplômes de scientifiques précis et absolus et reconnus, et qui ont chez eux un atanor, un four, où le feu brûle jour et nuit. Et j'ai tenu dans mes mains, il n'y a pas si longtemps, un kilo d'or alchimique qui a donné lieu à une analyse de la part du laboratoire des arts et métiers où on a bien voulu reconnaître que c'était un métal hybride, c'était de l'or sans être de l'or parce que le poids atomique différait un peu, il y avait de petites subtilités qui le détachaient de l'or sorti de la mine, mais c'était indiscutablement de l'or obtenu par des procédés absolument invraisemblable, et ceci dans le four, nous pouvons le dire, de M. Cancelier, qui est l'héritier direct de Fulcanelli. Oui, Fulcanelli qui a été peut-être, enfin on a dit de lui que c'était le dernier alchimiste moderne. Le dernier, on ne peut pas être le dernier alchimiste pour l'unique raison que l'emblème des alchimistes, c'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas de temps pour les alchimistes, il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Et on n'est jamais le premier ni le dernier. Oui, mais ces traditions, elles se perpétuent comment? Parce qu'enfin, il y a quand même beaucoup moins, disons, de traditions ancestrales qui vivent actuellement. Ces traditions doivent être transmises à des gens prédestinés à cause d'une disposition d'esprit extrêmement rare, à cause d'une culture qui doit être extrêmement solide, et à cause surtout d'une très profonde honnêteté. Parce qu'il ne faut pas croire qu'à l'heure actuelle, un alchimiste puisse prétendre vivre de l'alchimie. À ce moment-là, ce serait un farceur. Enfin, s'il réussit à faire de l'or, il devrait pouvoir en vivre. Absolument pas, parce que l'or alchimique coûte beaucoup plus cher que l'or normal. L'or alchimique constitue une certaine noblesse de la matière, c'est-à-dire l'accession de la part de l'esprit de l'homme qui l'a créé à un degré supérieur. Ce n'est pas la matière qui est importante, mais c'est l'esprit de son créateur, de celui qui l'a faite et qui l'a voulu et qui l'a réalisé. Les alchimistes existaient au XVe siècle, au XVIe siècle, ils existent encore toujours maintenant. Et vous, Gillette Ziegler, vous racontez d'autres faits qui existaient auparavant et que Jacques Yonnet a retrouvé, lui, durant sa jeunesse. Vous parlez, par exemple, Gillette Ziegler, du petit homme rouge des Tuileries. Qu'est-ce que c'était, ce petit homme rouge des Tuileries? Le petit homme rouge est toujours apparu pour annoncer, en général, de tristes nouvelles. Et il annonçait la mort des rois. On l'a vu au Louvre au XVIIe, au XVIIIe siècle, où Marie-Antoinette l'a vu peu avant l'émeute du 10 août. Ensuite, au moment de la chute de Napoléon, au moment de la mort de Charles X, c'est un fantôme familier. Il y en a beaucoup. Malheureusement, dans ce domaine, voilà, sur 10 faits à peu près mystérieux, fantastiques, il y en a peut-être 9 qui sont du domaine du charlatanisme et de l'escroquerie. Il y en a un dixième qui est vraiment le produit de forces que nous ne connaissons pas. Et il est assez difficile, évidemment, de comprendre certaines prédictions, certaines lectures de pensée qui ont lieu et certaines apparitions. Malheureusement, on ne peut pas toujours discerner dans l'affaire le vrai du faux. Et ce petit homme rouge des Tuileries, qui c'était? Ah, c'était un génie ou l'esprit d'un mort, mais on ne l'a jamais défini autrement que comme l'annonciateur de grandes catastrophes. En tout cas, il n'apparaissait que pour annoncer des catastrophes de la famille royale de France. Il était en principe, oui, préposé à l'annonce des catastrophes royales. Jacques Yonnet, on pourrait peut-être comparer ce petit homme rouge à quelqu'un dont vous parlez dans votre ouvrage Enchantement sur Paris, au vieux, le vieux qui c'était. C'est le vieux d'après-minuit. J'ai connu des centenaires dans ce quartier, là où nous nous trouvons actuellement, voici beaucoup d'années. Et eux avaient toujours connu celui que l'on appelait le père Jules Ratier, né au Havre, Dieu sait en quelle année, qui a toujours eu, à la connaissance des gens très âgés qui sont morts depuis très longtemps, toujours eu le même aspect, la même barbe blanche, la même longue chevelure blanche, et la même logique implacable, une sorte de logique madrée, retorse de paysan. Seulement, il était aussi pénétré d'une très grande bonté et il était dépositaire, possesseur d'une culture absolument invraisemblable et il réglait tous les problèmes. Et il était tout le contraire, c'est pas du tout comme le petit homme rouge, que un systématique prophète de malheur. Il mettait en garde les gens contre un inconvénient futur, il prophétisait. Il prédisait tout simplement, très volontiers et avec une joie qu'il ne cachait pas, quelque chose d'agréable, de bénéfique qui allait survenir. Et c'était l'homme de bon conseil. Mais vous le présentez quand même un peu comme un fantôme, comme un revenant. Eh bien, À plusieurs reprises, pendant l'occupation, lorsque je vivais personnellement dans ce quartier pourri de légendes, une existence extrêmement dangereuse, eh bien, après minuit, silencieusement, comme un fantôme, le vieux apparaissait, avec son visage qui commandait le respect, son sourire reposant, sa vieille logique, et là, les gens qui avaient mauvaise conscience étaient obligés de s'effacer, ou de se taire, ou de devenir, fort malgré eux, inoffensifs. Le père Ratier est mort légalement, il y a 3 ans, à l'âge avoué sur ses papiers d'identité que je possède ici, de 103 ans. Son corps est conservé à l'Académie de médecine dans un bac de formol, mais il existe, entre Mouffetard et les Gobelins, à l'heure actuelle, un vieillard venu d'on ne sait où, qui ne porte pas le nom de Jules Ratier, mais qui a très exactement, d'une façon hallucinante, la même tête, qui apparaît, lui, dans la journée, en attendant d'apparaître après minuit, et qui est dépositaire des mêmes facultés. Ça continue. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est l'absence d'étonnement des gens chez qui ça arrive, qui sont des milliers de personnes de tous les jours, qui se conduisent normalement chez l'épicier, chez le marchand de journaux, des artisans, des gens qui ont les pieds sur terre. Eux, c'est quelque chose de miraculeux, un miracle ambulant, ce vieillard qui est propriétaire de sa propre légende depuis plus d'un millénaire. Eh bien, les gens ne s'étonnent pas. Et vous l'avez rencontré, vous ? Bien sûr. La dernière fois, c'était quand ? C'était, je crois, dimanche dernier. Eh bien, je lui ai posé la question, avez-vous connu le père Ratier d'autrefois ? Alors, il a souri, il m'a répondu à côté, il m'a raconté des blagues. Et ceci veut dire beaucoup de choses. Je crois qu'il est très au courant du fait qu'il est dans l'accomplissement d'une mission, beaucoup plus que dans l'obligation d'exister dans ce quartier plutôt qu'ailleurs. Et cela encore, cela vous rappelle quelque chose, Gillette Ziegler, le comte Saint-Germain ? Le comte de Saint-Germain, lui, alors a vécu ou a prétendu vivre des siècles. À l'époque où, enfin, de sa plus grande célébrité, il parlait couramment de la façon dont il avait donné des conseils à Jules César, par exemple, et parlait à Alexandre. Et son valet de chambre, à qui on disait, mais enfin, est-ce possible, voyons, je veux bien qu'il ait vécu longtemps, mais enfin, il parle d'événements d'il y a 1000 ou 2000 ans, disait, ah ça, je ne sais pas, monsieur, je ne suis avec monsieur le comte que depuis 300 ans. Il faut rappeler qu'il, lorsqu'on l'a rencontré, je crois, pour la dernière fois, c'était sous la Révolution française, au XVIIIe siècle. Oui, il serait revenu alors qu'il était légalement mort, enfin, donner des conseils encore à la reine et au roi. Mais on semble l'avoir revu aussi sous Louis-Philippe, dans un cercle où on affirmait qu'il était encore le comte de Saint-Germain. Et depuis, un autre auteur contemporain prétend l'avoir vu, je crois, à Venise, continuant à vivre. Il est certain qu'il y a pas mal d'exemples de ces êtres qui semblent avoir vécu plusieurs siècles. Enfin, Marion Delorme n'a vécu évidemment que 134 ans. Cela me rappelle, Jacques Yonnet, une autre histoire que vous racontez dans Enchantement sur Paris. L'histoire de cet horloger qui avait inventé une horloge qui permettait aux gens de ne pas vieillir. Oui, c'est une légende einsteinienne, exactement. Il existait dans la rue Perdue, c'est-à-dire l'actuelle rue Maître Albert, qui doit son nom au premier alchimiste parisien sous le règne de Louis XI, un personnage assez curieux, venu de l'Est de l'Europe et qui portait un nom germanique, Oswald Biber. Et alors, cet homme avait une réputation de magicien plutôt que de sorcier, parce que ce qu'il faisait n'était pas mauvais en principe. Il n'attirait pas les puissances du mal. Il fabriquait des instruments destinés à découper le fil des heures, c'est-à-dire des horloges, des pendules. Mais certaines d'entre elles marchaient à rebours. Le nom des personnages qui les avaient commandées, sur mesure en quelque sorte, et à qui elles appartenaient, était gravé dans une partie des rouages. Et la destination de, ces horloges était de faire rajeunir leurs propriétaires qui avaient leur destin lié à celui de leur horloge. Et ces gens-là rajeunissaient d'un jour sur un autre jour. Et il est arrivé que, à un certain moment, l'horloger a reçu la visite d'un certain nombre de ses pratiques qui s'étaient groupées et qui lui ont dit, voilà, nous sommes devenus jeunes et nous sommes dans la force de l'âge, nous avons entre 20 et 30 ans et nous ne voulons pas devenir des adolescents, encore moins des enfants, et il nous est insupportable de savoir la date inéluctable où nous redeviendrons des nourrissons et où nous allons rejoindre les limbes. Alors veuillez, s'il vous plaît, faire en sorte que nos pendules ne soient plus magiques et marchent à l'endroit. Et l'autre a dit, je n'y peux rien. Mais comment, pourquoi vous n'y pouvez rien? Parce que mon maître, le docteur Salossini de Venise, était beaucoup plus savant que moi, et lui m'a inculqué cette science, faire marcher les pendules à l'envers, mais je ne peux plus maintenant revenir sur l'envoûtement dont vous êtes l'objet, et vous devriez vous tenir comme déjà très heureux, parce qu'il y a très longtemps que normalement vous seriez mort si je n'étais pas intervenu. Mais comment se fait-il que vous, nous ne vous voyons jamais vieillir ni rajeunir, ni parce que pour moi, mon maître a fait cette pendule que je suis bien incapable de reproduire, qui avance et recule d'un jour sur deux, alors je vieillis et je rajeunis d'un jour sur deux. Alors, les gens s'en vont, pas contents, se concertent et décident, chacun pour soi, d'aller en commando, nous dirions de nos jours, voler la pendule de l'horloger. Mais chacun voulait exterminer les autres pour l'avoir pour lui tout seul. Les gens se sont battus. Ils ont brisé la pendule qui commandait toutes les autres. Les pendules se sont tues, les gens sont morts. Et on a enterré dans un charnier qui existe toujours, à deux pas d'ici où nous nous trouvons présentement, au coin de la rue de la Bûcherie et des Grands Degrés, un charnier avec à l'intérieur 42 cadavres, tout ça, 42 squelettes. J'en sont. Seulement, la légende reste, car de nos jours, j'ai retrouvé un homme que des gens très âgés avaient connu très autrefois. Cet homme m'a raconté la campagne d'Orient qu'a faite mon propre père, aujourd'hui âgé de 87 ans. Et cet homme paraissait au plus 40 à 45 ans, au maximum. Il avait fait la guerre de 40, il était revenu avec la croix de guerre et la médaille militaire, conquise sur le champ de bataille. Et alors, il était par conséquent... Et il était increvable. Et il me racontait... prétendait être d'origine russe. Le fait est qu'il parlait un fort bien russe, mais il parlait un fort bon français aussi. Il m'avait raconté les massacres de Kiev et des tas de choses auxquelles il avait participé un peu partout. Et puis il était horloger dans ce coin, dans une petite échoppe, une boutique semi-circulaire, dressée contre un pan de mur en bois. Un homme de légende. Et quand j'ai raconté, quand j'ai imprimé son histoire, il a prétendu être mort. Il est parti ailleurs dans Paris. Je fais une fois une conférence au club du Faubourg où il est question de l'horloger du Tanzarbourg. J'avais vu les gens du quartier qui tous sont allés à son enterrement mais sans, bien entendu, voir le mort. J'ai su par la suite qu'il avait été reconnu par deux légionnaires russes qui ont reconnu n'importe quel cadavre à la morgue, ce qui est facile. Et alors je l'ai rencontré place de Lévis à Montmartre au club du Faubourg. Il était au premier rang, il entendait sa propre histoire. Et j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, j'ai pour la énième fois changé de nom et je continue de faire des horloges, mais je n'ai plus pignon sur rue pendant un grand moment. Ni combien de temps? Au moins un siècle. Ce serait donc un homme qui vit depuis plus de 1000 ans. La vie est une force extérieure. Il y a l'enveloppe et il est permis de changer d'enveloppe. Imaginez que vous ayez une voiture, que vous en changiez, et que vous transmettiez à votre voiture nouvelle le moteur de l'autre ou l'âme de l'autre, quelque chose d'autre, ce qui détermine ce mécanisme que nous portons en nous. C'est ça la vie. Jacques Yonnet, parmi les légendes de Paris, parmi les faits véridiques auxquels vous avez assisté, il y a un certain nombre d'Africains qui ont été mêlés. Je pense en particulier à un vétérinaire que vous avez rencontré. Oui, c'est mon ami, le docteur Niena. Je peux vous dire ça. Le docteur Niena est médecin vétérinaire, mais il est aussi docteur en médecine humaine. Et il est établi rue de la Bûcherie. Et il a une profonde connaissance des gens et des bêtes. Et effectivement, cet homme qui est dépositaire d'un savoir très particulier s'est penché sur les choses de la magie, en particulier de la magie animale, c'est-à-dire du transfert. Est-ce que vous avez pu être témoin, justement, d'un certain nombre d'histoires auxquelles il a été mêlé ? Oui, mais seulement dans le domaine de l'apaisement. C'est celui qui désenvoûte, c'est celui qui rassure, c'est celui qui guérit, et c'est celui qui, à l'encontre de ce que font la plupart de ses confrères, soigne gratuitement les chats et les chiens des gens de conditions extrêmement modestes et qui ne pourraient pas payer des consultations. Et il les opère. Je l'ai vu faire une césarienne sur une chienne, par exemple. Et alors, il possède aux environs de Paris une propriété où il élève et où il laisse mourir de vieillesse des animaux blessés ou malades qu'on lui a confiés, qu'on n'est pas venu rechercher. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous vous présentez chez le docteur Niena, un ours de 300 kilos vient vous ouvrir, seulement l'ours a une jambe de bois. Et c'est lui qui sert de concierge. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Il n'a pas été mêlé à une histoire, indirectement, à une histoire, l'histoire de Mina la chatte. Ça alors, il s'agit d'une histoire de lycanthropie qui est tout à fait extraordinaire. Seulement, je me suis aperçu, après avoir observé cette histoire de Mina la chatte, que depuis le pré-Moyen-Âge, il existe dans Paris une histoire de femme-chat et d'homme-chat. C'est une chose tout à fait extraordinaire. Et beaucoup plus récemment, j'ai découvert qu'il y avait une histoire d'homme-rat. Mina la chatte, pendant l'occupation, était une femme qui recueillait des chats, qui les élevait, des chats errants, des chats malades, des chats malheureux, des chats affamés. Elle se dévouait pour recueillir ces chats, ce qui est quelque chose d'assez délirant au moment où on les tuait, ou même certaines personnes les mangeaient. Et un jour, cette femme que nous croyions, mes amis et moi, à peu près asexués, pour nous c'était une femme parce qu'elle portait une robe, eh bien, elle s'était accoquinée avec un personnage assez repoussant, nommé Goupil, ce qui signifie renard en vieux français. Lequel Goupil l'a étranglé au cours d'une bagarre sordide. On n'a pas retrouvé le cadavre de Mina, mais on a retrouvé le cadavre d'une chatte grise, pendue à un vasistas. Et tout le quartier de la rue Maître Albert, à deux pas d'ici, de la rue de Bièvre, et du quai de Montebello et des Bernardins, prétend voir le fantôme de Mina explorer les bords de Seine, ou sous forme d'une femme à tête de chat, ou sous forme d'une chatte à voix de femme. Et ça continue. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai personnellement connu, et même hébergé, et même nourri, dans une période de ma vie, cette extraordinaire Mina la chatte. Je l'ai vue, et je ne suis pas seul à avoir les pieds bien sur terre et à être bien vivant, à l'avoir vue et à m'en souvenir. Jacques Yonnet, vous disiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup de plaisir à fréquenter les Africains de Paris. Est-ce que ces Africains de Paris, qui viennent y travailler, qui séjournent pendant un certain temps, font partie de vos enchantements sur la capitale française? J'ai assisté à une cérémonie extrêmement émouvante qui a été donnée au solstice d'été, c'est-à-dire le 22 juin d'il y a, nous sommes en 67, d'il y a exactement 10 ans, c'était en 57. Les gens avaient loué la cave et j'ai assisté à cette cérémonie extraordinaire en compagnie du père Germain qui me tenait lieu de traducteur. Car les gens parlaient plusieurs dialectes que, bien entendu, je ne comprends pas. C'étaient mes amis. J'en connaissais un certain nombre. Beaucoup étaient originaires du Congo et surtout du Sénégal. Mais il y avait parmi eux Sina Bichat, que lui je connais parfaitement, et qui ne parle aucun dialecte africain, qui est lointainement originaire d'Afrique et qui y tient d'ailleurs. Il était aux Trois Maillets, tout à côté, où il jouait de la trompette. Et il participait à cette cérémonie rituelle. Alors, imaginez ceci. Dans cette cave, les Noirs se sont mis le torse nu, pour être plus à l'aise, comme des gymnastes, comme des gens qui vont accomplir un gros effort physique. Certains se sont assis, d'autres sont restés debout. Il y avait encore les bidons d'essence quadrangulaires d'autrefois, qui leur servaient de tam-tam. Et un griot, un garçon noir, bien sûr, dont je sais qu'il travaillait, je crois qu'il y travaille toujours, chez Gnomeron, est venu à peu près nu, à part autour des reins, une ceinture rituelle comportant des gris-gris, des choses difficilement identifiables pour les Européens. Il y avait un tas de sciure par terre, de la sciure et de la poussière, pour atténuer un choc possible de quelqu'un qui tomberait, n'est-ce pas? Le griot s'est mis à danser en même temps que les autres chantaient une mélodie lancinante, balam, balalam, balalam, bam, bam. Et les Noirs se sont mis à chanter une mélopée sur un rythme exactement envoûtant. Et là, j'ai ressenti physiquement cet envoûtement, même des paroles que je ne comprenais pas et que le père Germain m'a traduite par la suite. Il s'agissait d'un rite destiné à rendre hommage à l'âme des Noirs, de leurs congénères, morts dans l'année ici, là où ils sont déracinés, et à faire voler ces âmes vers leur pays, vers leur village d'origine. Et Pierre Béarn, qui lui, au même moment, assistait en quelque sorte à la réception, a vu dans des villages où il a été personnellement invité, des villages où des gens n'avaient pas vu un homme blanc depuis des années, assister à une sorte de réception de ces âmes sous forme de cimetière miniature. Et alors, voici la traduction que j'ai publiée chez Pauvert, des paroles, des mélopées de ces Noirs. Balam, balalam, balalam, bam, bam, frères de nos frères, pour cette nuit ressuscitée, que sur les pirogues de nos mémoires, vos âmes naviguent. Balam, balam, balalam, bam, bam, oncle de nos oncles, que les nôtres restés au village, n'oublie point de vous faire l'offrande de notre part des récoltes. Balam, balalam, balalam, bam, bam, père de nos pères, nous vous sommes fidèles, nous vous ramènerons au pays et vous donnerons en cadeau de retrouvailles toutes les bêtes de la forêt. Gillette Ziegler, dans votre livre, je suppose que vous avez raconté un dixième, un centième, un millième peut-être des secrets, des légendes, des histoires invraisemblables qui se sont déroulées pourtant à Paris. Bien sûr, j'ai dû laisser de côté quantité de choses, d'abord pour ne pas faire un livre trop énorme, et puis parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont moins pittoresques, pas contrôlées. C'est assez difficile d'aborder certains problèmes comme le spiritisme, je l'ai laissé de côté, je n'y comprends rien, je n'ai jamais vu de choses assez frappantes en ce qui concerne le spiritisme. Jacques Yonnet, vous aussi, je suppose que dans vos souvenirs vécus, Vous avez raconté quoi? Un dixième de ce que vous avez vécu? Non, beaucoup moins. Je pourrais centupler mon ouvrage maintenant. Il y a un certain nombre de secrets, très exactement, redoutables, qui m'ont été légués et que je ne veux absolument pas profaner, que je ne veux pas dire, que je ne veux pas diffuser. Jacques Yonnet, est-ce qu'il y aura, dans un futur assez proche, d'autres enchantements sur Paris? Il y aura Paris ma légende, où je donne une très large place à des philosophes africains qui ne sont pas seulement dans mon tiroir, parce qu'ils sont en bonne santé, en plein Paris, et je vous réserve de jolies surprises. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 1967. Le livre « Enchantement sur Paris » est réédité chez Phébus, collection Libretto, sous le titre « Rue des Maléfices ». « Troquet de Paris », chronique parue dans « L'Auvergnat à Paris », vient d'être publiée aux éditions L'Échappée. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».